Exercice 3. Chez mes amis, le style de l'immeuble est moderne. 1. Les fenêtres du salon sont hautes. 2. La porte du garage est automatique. 3. La chambre des enfants est grande. 4. Les meubles de la salle de bain sont blancs. 5. La décoration de l'appartement est originale. 6. Les escaliers du jardin sont anciens.